Small Flanders, 26e partie. Pendant tout ce temps, je ne m'étais fourni de rien de ce qui nous était nécessaire quand nous arriverions là-bas et que nous commencerions à nous appeler planteurs. Et j'étais loin d'être ignorante de ce qu'il fallait à telle occasion, en particulier toutes sortes d'outils pour l'ouvrage des plantations et pour construire, et toutes sortes de meubles qui, si on les achète dans le pays, doivent nécessairement coûter le double. Je parlais à ce sujet avec ma gouvernante, et elle alla trouver le capitaine, à qui elle dit qu'elle espérait qu'on pourrait trouver moyen d'obtenir la liberté de ces deux malheureux cousins, comme elle nous appelait, quand nous serions arrivés par-delà la mer. Puis, sans qui de lui, quelle chose il était nécessaire d'emporter avec nous, et lui, en homme d'expérience, lui répondit. « Madame, il faut d'abord que vos cousins se procurent une personne pour les acheter comme esclaves, suivant les conditions de leur déportation. Et puis, au nom de cette personne, ils pourront s'occuper de ce qu'il leur plaira, soit acheter des plantations déjà exploitées, soit acheter des terres en friche au gouvernement. » Elle lui demanda alors s'il ne serait pas nécessaire de nous fournir d'outils et de matériaux pour établir notre plantation. Et il répondit que oui, certes. Puis elle lui demanda son assistance en cela et lui dit qu'elle nous fournirait de tout ce qu'il nous faudrait, quoi qu'il lui en coûtât. Sur quoi il lui donna une liste des choses nécessaires à un planteur, qui, d'après son compte, montait à 80 ou 100 livres. Et, en somme, elle s'y prit aussi adroitement pour les acheter que si elle eût été un vieux marchand de Virginie, sinon que, sur mon indication, elle acheta plus du double de tout ce dont il lui avait donné la liste. Elle embarqua toutes ces choses à son nom, prit les billets de chargement et endossa ces billets au nom de mon mari, assurant ensuite la cargaison à son propre nom, si bien que nous étions parés pour tous les événements et pour tous les désastres. J'aurais dû vous dire que mon mari lui donna tout son fonds de 108 livres qu'il portait sur lui, ainsi que j'ai dit, en monnaie d'or, pour le dépenser à cet effet. Et je lui donnai une bonne somme, en outre, si bien que je n'entamai pas la somme que je lui avais laissée entre les mains, en fin de quoi nous eûmes près de 200 livres en argent, ce qui était plus que suffisant à notre dessein. En cette condition, fort joyeux de toutes ces commodités, nous fîmes voile de Bugby's Note à Gravesend, où le vaisseau resta environ 10 jours de plus et où le capitaine vint à bord pour de bon. Ici, le capitaine nous montra une civilité qu'en vérité nous n'avions point de raison d'attendre. C'est à savoir qu'il nous permit d'aller à terre pour nous rafraîchir, après que nous lui eûmes donné nos paroles que nous ne nous enfuirions pas et que nous reviendrions paisiblement à bord. En vérité, le capitaine avait assez d'assurance sur nos résolutions de partir, puisque, ayant fait de telles provisions pour nous établir là-bas, il ne semblait point probable que nous eussions choisi de demeurer ici au péril de la vie, car ce n'aurait pas été moins. En somme, nous allâmes tous à terre avec le capitaine et soupâmes ensemble à Gravesend, où nous fûmes fort joyeux, passâmes la nuit, couchâmes dans la maison où nous avions soupé et revînmes tous très honnêtement à bord avec lui le matin. Là, nous achetâmes 10 douzaines de bouteilles de bonne bière, du vin, des poulets et telles choses que nous pensions qui seraient agréables à bord. Ma gouvernante resta avec nous tout ce temps et nous accompagna jusqu'aux Downs, ainsi que la femme du capitaine avec qui elle revint. Je n'eus jamais tant de tristesse en me séparant de ma propre mère que j'en eus pour me séparer d'elle, et je ne la revis jamais plus. Nous eûmes bon vent d'est le 3e jour après notre arrivée aux Downs, et nous fîmes voile de là le 10e jour d'avril, sans toucher ailleurs, jusqu'étant poussés sur la côte d'Irlande par une bourrasque bien forte. Le vaisseau jeta l'ancre dans une petite baie près d'une rivière dont je ne me rappelle pas le nom, mais on me dit que c'était une rivière qui venait de Limerick et que c'était la plus grande rivière d'Irlande. Là, ayant été retenu par le mauvais temps, le capitaine, qui continuait de montrer la même humeur charmante, nous emmena de nouveau tous deux à terre. Ce fut par bonté pour mon mari, en vérité, qui supportait fort mal la mer, surtout quand le vent soufflait avec tant de fureur. Là, nous achetâmes encore des provisions fraîches, du bœuf, du porc, du mouton et de la volaille, et le capitaine resta pour mettre en saumure 5 ou 6 barils de bœuf, afin de renforcer les vivres. Nous ne fûmes pas là plus de 5 jours, que la température s'adoucissant, après une bonne saute de vent, nous fîmes voile de nouveau, et, au bout de 42 jours, arrivâmes sans encombre à la côte de Virginie. Quand nous approchâmes de terre, le capitaine me fit venir et me dit qu'il trouvait par mon discours que j'avais quelques connaissances dans la contrée, et que j'y étais venu autrefois, de sorte qu'il supposait que je connaissais la coutume suivant laquelle on disposait des forçats à leur arrivée. Je lui dis qu'il n'en était rien, et que, pour les connaissances que j'avais là, il pouvait être certain que je ne me ferais point connaître à aucune d'elles, tandis que j'étais dans les conditions d'une prisonnière, et que, pour le reste, nous nous abandonnions entièrement à lui pour nous assister, ainsi qu'il lui avait plu de nous le promettre. Il me dit qu'il fallait qu'une personne du pays vînt m'acheter comme esclave, afin de répondre de moi au gouverneur de la contrée s'il me réclamait. Je lui dis que nous agirions selon ses directions, de sorte qu'il amena un planteur pour traiter avec lui, comme s'il se fût agi de m'acheter comme esclave, n'y ayant point l'ordre de vendre mon mari. Et là je lui fus vendu en formalité, et je le suivis à terre. Le capitaine alla avec nous et nous mena à une certaine maison, que ce fût une taverne ou non, je n'en sais rien, mais on nous y donna un bol de punch fait avec du rhum, etc., et nous fîmes bonne chère. Au bout d'un moment, le planteur nous donna un certificat de décharge et une reconnaissance attestant que je l'avais servi fidèlement, et je fus libre dès le lendemain matin d'aller où il me plairait. Pour ce service, le capitaine me demanda 6 000 avoirs du poids de tabac, dont il dit qu'il devait compte à son armateur et que nous lui achetâmes immédiatement et lui fîmes présent, par-dessus le marché, de 20 guinées dont il se déclara abondamment satisfait. Il ne convient point que j'entre ici dans les détails de la partie de la colonie de Virginie où nous nous établîmes pour diverses raisons. Il suffira de mentionner que nous entrâmes dans la grande rivière de Potomac, qui était la destination du vaisseau, et là nous avions l'intention de nous établir d'abord, malgré qu'ensuite nous changeâmes d'avis. La première chose d'importance que je fis, après que nous eûmes débarqué toutes nos marchandises et que nous les eûmes serrées dans un magasin, que nous louâmes avec un logement dans le petit endroit du village où nous avions atterri, la première chose que je fis, dis-je, fut de m'enquérir de ma mère et de mon frère. Cette personne fatale avec laquelle je m'étais marié, ainsi que je l'ai longuement raconté. Une petite enquête m'apprit que Madame c'est à savoir ma mère, était morte, que mon frère ou mari était vivant, et, ce qui était pire, je trouvai qu'il avait quitté la plantation où j'avais vécu, et qu'il vivait avec un de ses fils sur une plantation, justement près de l'endroit où nous avions loué un magasin. Je fus un peu surprise d'abord, mais comme je m'aventurais à me persuader qu'il ne pouvait point me reconnaître, non seulement je me sentis parfaitement tranquille, mais j'eus grande envie de le voir, si c'était possible, sans qu'il me vît. Dans ce dessein, je m'enquis de la plantation où il vivait, et avec une femme du lieu que je trouvai pour m'aider, comme ce que nous appelons une porteuse de chaise, j'errai autour de l'endroit, comme si je n'eusse eu d'autre envie que de me promener et de regarder le paysage. Enfin, j'arrivai si près que je vis la maison. Je demandai à la femme à qui était cette plantation. Elle me dit qu'elle appartenait à un tel, et, tendant la main sur la droite, « Voilà, dit-elle, le monsieur à qui appartient cette plantation, et son père est avec lui. « Quels sont leurs petits noms ? Dis-je. « Je ne sais point, dit-elle, quel est le nom du vieux monsieur, mais le nom de son fils est Humphrey, et je crois, dit-elle, que c'est aussi le nom du père. » Vous pouvez deviner, s'il vous est possible, le mélange confus de joie et de frayeur qui s'empara de mes esprits en cette occasion, car je connus sur le champ que ce n'était là personne d'autre que mon propre fils, par ce père qu'elle me montrait, qui était mon propre frère. Je n'avais point de masque, mais je chiffonnais les ruches de ma coiffe autour de ma figure si bien que je fus persuadé qu'après plus de 20 ans d'absence, et, d'ailleurs, ne m'attendant nullement en cette partie du monde, il serait incapable de me reconnaître. Mais je n'aurais point eu besoin à user de toutes ces précautions, car sa vue était devenue faible par quelque maladie qui lui était tombé sur les yeux, et il ne pouvait voir que juste assez pour se promener et ne pas se heurter contre un arbre ou mettre le pied dans un fossé. Comme il s'approchait de nous, je dis « Est-ce qu'il vous connaît, Madame Owen ?» C'était le nom de la femme. « Oui, dit-elle, s'il m'entend parler, il me reconnaîtra bien, mais il n'y voit point assez pour me reconnaître ou personne d'autre. » Et alors elle me parla de l'affaiblissement de sa vue, ainsi que j'ai dit. Ceci me rassura si bien que je rejetai ma coiffe et que je l'ai laissée passer près de moi. C'était une misérable chose pour une mère que de voir ainsi son propre fils. Un beau jeune homme, bien fait dans des circonstances florissantes, et de ne point oser se faire connaître à lui, et de ne point oser paraître le remarquer. Que toute mère d'enfant qui lit ces pages considère ces choses, et qu'elle réfléchisse à l'angoisse d'esprit avec laquelle je me restreignis, au bondissement d'âme que je ressentis en moi pour l'embrasser et pleurer sur lui, et comment je pensais que toutes mes entrailles se retournaient en moi, que mes boyaux mêmes étaient remués et que je ne savais quoi faire, ainsi que je ne sais point maintenant comment exprimer ces agonies. Quand il s'éloigna de moi, je restai les yeux fixes et, tremblante, je le suivis des yeux aussi longtemps que je pus le voir. Puis, m'asseyant sur l'herbe juste à un endroit que j'avais marqué, je feignis de m'y étendre pour me reposer, mais je me détournai de la femme, et, couché sur le visage, je sanglotai et je baisai la terre sur laquelle il avait posé le pied. Je ne pus cacher mon désordre assez pour que cette femme ne s'en aperçût, d'où elle pensa que je n'étais point bien ce que je fus obligé de prétendre qui était vrai. Sur quoi elle me pressa de me lever, la terre étant humide et dangereuse, ce que je fis et m'en allai. Comme je retournais, parlant encore de ce monsieur et de son fils, une nouvelle occasion de mélancolie se présenta en cette manière. La femme commença comme si elle eût voulu me conter une histoire pour me divertir. « Il court, dit-elle, un conte bien singulier parmi les voisins, là où demeurait autrefois ce gentilhomme. « Et qu'est-ce donc ? Dis-je. « Mais, dit-elle, ce vieux monsieur, étant allé en Angleterre quand il était tout jeune, tomba amoureux d'une jeune dame de là-bas, une des plus belles femmes qu'on ait jamais vues ici. Elle l'épousa et l'amena demeurer chez sa mère, qui était alors vivante. Il vécut ici plusieurs années avec elle, continua la femme, et il eut d'elle plusieurs enfants, dont l'un est le jeune homme qui était avec lui tout à l'heure. Mais au bout de quelque temps, un jour que la vieille dame, sa mère, parlait à sa bru de choses qui la touchaient, et des circonstances où elle s'était trouvée en Angleterre, qui étaient assez mauvaises, la bru commença d'être fort surprise et inquiète, et en somme, quand on examina les choses plus à fond, il parut hors de doute qu'elle, la vieille dame, était la propre mère de sa bru, et que, par conséquent, ce fils était le propre frère de sa femme. Ce qui frappa la famille d'horreur et la jeta dans une telle confusion qu'ils pensèrent en être ruinés tous. La jeune femme ne voulut pas vivre avec lui et lui-même, pendant un temps, fut hors du sens. Puis, enfin, la jeune femme partit pour l'Angleterre et on n'en a jamais entendu parler depuis. Il est aisé de croire que je fus étrangement affecté de cette histoire. Mais il est impossible de décrire la nature de mon trouble. Je parus étonné du récit et lui fis mille questions sur les détails que je trouvais qu'elle connaissait parfaitement. Enfin, je commençai de m'enquérir des conditions de la famille. Comment la vieille dame, je veux dire ma mère, était morte et à qui elle avait laissé ce qu'elle possédait. Car ma mère m'avait promis très solennellement que, quand elle mourrait, elle ferait quelque chose pour moi, et qu'elle s'arrangerait pour que, si j'étais vivante, je pusse, de façon ou d'autre, entrer en possession, sans qu'il fût au pouvoir de son fils, mon frère et mari, de m'en empêcher. Elle me dit qu'elle ne savait pas exactement comment les choses avaient été réglées, mais qu'on lui avait dit que ma mère avait laissé une somme d'argent sur le paiement de laquelle elle avait hypothéqué sa plantation, afin que cette somme fût remise à sa fille si jamais on pouvait en entendre parler, soit en Angleterre, soit ailleurs, et que la gérance du dépôt avait été laissée à ce fils que nous avions vu avec son père. C'était là une nouvelle qui me parut trop bonne pour en faire fi, et vous pouvez bien penser que j'eus le cœur empli de mille réflexions sur le parti que je devais prendre et la façon dont je devais me faire connaître, ou si je devrais jamais me faire connaître ou non. C'était là un embarras où je n'avais pas, en vérité, la science de me conduire, ni ne savais-je quel parti prendre. Mon esprit était obsédé nuit et jour. Je ne pouvais ni dormir ni causer, tant que mon mari s'en aperçut, s'étonna de ce que j'avais et s'efforça de me divertir. Mais ce fut tout en vain. Il me pressa de lui dire ce qui me tourmentait, mais je le remis, jusqu'enfin, m'importunant continuellement, je fus forcé de forger une histoire qui avait cependant un fondement réel. Je lui dis que j'étais tourmenté parce que j'avais trouvé que nous devions quitter notre installation et changer notre plan d'établissement, à cause que j'avais trouvé que je serais découverte si je restais dans cette partie de la contrée. Car, ma mère étant morte, plusieurs de nos parents étaient venus dans la région où nous étions et qu'il fallait, ou bien me découvrir à eux, ce qui, dans notre condition présente, ne convenait point sous bien des rapports, ou bien nous en aller, et que je ne savais comment faire, et que c'était là ce qui me donnait de la mélancolie. Il acquiesça en ceci qu'il ne convenait nullement que je me fisse connaître à personne dans les circonstances où nous étions alors. Et par ainsi, il me dit qu'il était prêt à partir pour toute autre région de ce pays, ou même pour un autre pays, si je le désirais. Mais maintenant, j'eus une autre difficulté, qui était que si je partais pour une autre colonie, je me mettais hors d'état de jamais pouvoir rechercher avec succès les effets que ma mère m'avait laissés. D'autre part, je ne pouvais même penser à faire connaître le secret de mon ancien mariage à mon nouveau mari. Ce n'était pas une histoire qu'on supportât qu'on la dise, ni ne pouvais-je prévoir quelles pourraient en être les conséquences. C'était d'ailleurs impossible, sans rendre la chose publique par toute la contrée, sans qu'on sût tout ensemble qui j'étais et ce que j'étais maintenant. Cet embarras continua longtemps et inquiéta beaucoup mon époux, car il pensait que je ne fusse pas franche avec lui et que je ne voulusse pas lui révéler toutes les parties de ma peine. Et il disait souvent qu'il s'étonnait de ce qu'il avait fait pour que je n'eusse pas confiance en lui en quoi que ce fût, surtout si la chose était douloureuse et affligeante. La vérité est que j'eusse dû lui confier tout, car aucun homme ne pouvait mériter mieux d'une femme. Mais c'était là une chose que je ne savais comment lui ouvrir, et pourtant, n'ayant personne à qui en révéler la moindre part, le fardeau était trop lourd pour mon esprit. Le seul soulagement que je trouvai fut d'en laisser savoir à mon mari assez pour le convaincre de la nécessité qu'il y avait pour nous à songer à nous établir dans quelque autre partie du monde, et la prochaine considération qui se présenta fut vers quelle région des colonies anglaises nous nous dirigerions. Mon mari était parfaitement étranger au pays et n'avait point tant qu'une connaissance géographique de la situation des différents lieux. Et moi qui, jusqu'au jour où j'ai écrit ces lignes, ne savais point ce que signifiait le mot « géographique », je n'en avais qu'une connaissance générale par mes longues conversations avec des gens qui allaient et venaient. mais je savais bien que le Maryland, la Pennsylvanie, East et West Jersey, la Nouvelle-York et la Nouvelle-Angleterre étaient toutes situées au nord de la Virginie et qu'elles avaient toutes par conséquent des climats plus froids pour lesquels, pour cette raison même, j'avais de l'aversion. Car ainsi que j'avais toujours naturellement aimé la chaleur, ainsi maintenant que je devenais vieille, je sentais une plus forte inclination à fuir un climat froid. Je pensais donc à aller en Caroline, qui est la colonie la plus méridionale des Anglais sur le continent. Et là, je proposais d'aller, d'autant plus que je pourrais aisément revenir à n'importe quel moment quand il serait temps de m'enquérir des affaires de ma mère et de réclamer mon dû. Mais maintenant, je trouvais une nouvelle difficulté. La grande affaire pesait encore lourdement sur mes esprits et je ne pouvais songer à sortir de la contrée sans m'enquérir de façon ou d'autre du grand secret de ce que ma mère avait fait pour moi, ni ne pouvais-je avec aucune patience supporter la pensée de partir sans me faire connaître à mon vieux mari, frère, ou à mon enfant, son fils. Seulement, j'aurais bien voulu le faire sans que mon nouveau mari en eût connaissance, ou sans qu'ils eussent connaissance de lui. J'agitais d'innombrables desseins dans mes pensées pour arriver à ces fins. J'aurais aimé à envoyer mon mari en Caroline pour le suivre ensuite moi-même, mais c'était impraticable parce qu'il ne voulait pas bouger sans moi, ne connaissant nullement le pays, ni la manière de s'établir en lieu que ce fût. Alors je pensais que nous partirions d'abord tous deux, et que, lorsque nous serions établis, je retournerais en Virginie. Mais, même alors, je savais bien qu'il ne se séparerait jamais de moi pour rester seul là-bas. Le cas était clair. Il était né gentilhomme, et ce n'était pas seulement qu'il n'eût point la connaissance du pays, mais il était indolent, et quand nous nous établissions, il préférait de beaucoup aller dans la forêt avec son fusil, ce qu'ils appellent là-bas chasser, et qui est d'ordinaire travail des Indiens. Il préférait de beaucoup chasser, dis-je, que de s'occuper des affaires naturelles de la plantation. C'était donc là des difficultés insurmontables et telles que je ne savais qu'y faire. Je me sentais si fortement poussée à me découvrir à mon ancien mari que je ne pouvais y résister, d'autant plus que l'idée qui me courait dans la tête, c'était que si je ne le faisais point tandis qu'il vivait, ce serait en vain peut-être que je m'efforcerais de convaincre mon fils plus tard que j'étais réellement la même personne et que j'étais sa mère, et qu'ainsi je pourrais perdre tout ensemble l'assistance de la parenté et tout ce que ma mère m'avait laissé. Et pourtant, d'autre part, il me paraissait impossible de révéler la condition où j'étais et de dire que j'avais avec moi un mari ou que j'avais passé la mère comme criminelle. Si bien qu'il m'était absolument nécessaire de quitter l'endroit où j'étais et de revenir vers lui comme revenant d'un autre endroit et sous une autre figure. Sur ces considérations, je continuais à dire à mon mari l'absolue nécessité qu'il y avait de ne point nous établir dans la rivière de Potomac à cause que nous y serions bientôt publiquement connus, tandis que si nous allions en aucun autre lieu du monde, nous y arriverions avec autant de réputation que famille quiconque qui viendrait y planter. Qu'ainsi qu'il était toujours agréable aux habitants de voir arriver parmi eux des familles pour planter, qui apportait quelque aisance, ainsi serions-nous sûrs d'une réception agréable, sans possibilité d'une découverte de notre condition. Je lui dis aussi qu'ainsi que j'avais plusieurs parents dans l'endroit où nous étions, et que je n'osais point me faire connaître à cette heure, de crainte qu'ils vinssent à savoir l'occasion de ma venue, ce qui serait m'exposer au dernier point, ainsi avais-je des raisons de croire que ma mère, qui était morte ici, m'avait laissé quelque chose, et peut-être de considérable, dont il valait bien la peine de m'enquérir, mais que je ne pouvais point le faire sans nous exposer publiquement, à moins de quitter la contrée. Qu'ensuite, quel que fût le lieu où nous nous établirions, je pourrais revenir sous prétexte de rendre visite à mon frère et à mes neveux, me faire reconnaître, m'enquérir de mon dû, être reçu avec respect, et en même temps me rendre justice. Nous résolûmes donc aller chercher un établissement dans quelque autre colonie, et ce fut d'abord sur la Caroline que tomba notre choix. À cet effet, nous commençâmes de nous enquérir sur les vaisseaux qui allaient en Caroline, et au bout de très peu de temps, on nous informa que de l'autre côté de la baie, comme ils l'appellent, c'est à savoir dans le Maryland, il y avait un vaisseau qui arrivait de la Caroline, chargé de riz et d'autres marchandises, et qui allait y retourner. Là-dessus, nous louâmes une chaloupe pour y embarquer nos effets. Puis, disant en quelque sorte un adieu final à la rivière de Potomac, nous passâmes avec tout notre bagage en Maryland. Ce fut un long et déplaisant voyage, et que mon époux déclara pire que tout son voyage depuis l'Angleterre, parce que le temps était mauvais, la mer rude et le vaisseau petit et incommode. De plus, nous nous trouvions à 100 bons milles en amont de la rivière de Potomac, en une région qu'on nomme comté de Westmoreland. Et comme cette rivière est de beaucoup la plus grande de Virginie, et j'ai ouï dire que c'est la plus grande du monde qui débouche en une autre rivière et point directement dans la mer, ainsi trouvâmes-nous du fort mauvais temps et nous fûmes fréquemment en grand danger. Car malgré qu'on l'appelle simplement rivière, elle est parfois si large que lorsque nous étions au milieu, nous n'apercevions point la Chesapeake, qui a près de 30 milles de largeur à l'endroit où débouche la rivière de Potomac. Si bien que nous eûmes un voyage de 200 milles dans une misérable chaloupe avec tout notre trésor. Et si quelque accident nous fût survenu, nous aurions pu être très malheureux en fin de compte. Supposant que nous eussions perdu nos biens, avec la vie sauve seulement, nous aurions été abandonnés nus et désolés dans un pays sauvage et étranger, n'ayant point un ami, point une connaissance dans toute cette partie du monde. La pensée seule me donne de l'horreur, même aujourd'hui que le danger est passé. Enfin, nous arrivâmes à destination au bout de 5 jours de voile. Je crois que cet endroit se nomme Pointe Philippe. Et voici que lorsque nous arrivâmes, le vaisseau pour la Caroline avait terminé son chargement et était parti 3 jours avant. C'était une déception, mais pourtant, moi qui ne devais me décourager de rien, je dis à mon mari que, puisque nous ne pouvions passer en Caroline, et que la contrée où nous étions était belle et fertile, il fallait voir si nous ne pourrions point y trouver notre affaire, et que, s'il le voulait, nous pourrions nous y établir. Nous nous rendîmes aussitôt à terre, mais n'y trouvâmes pas de commodité dans l'endroit même, ni pour y demeurer, ni pour y mettre nos marchandises à l'abri. Mais un très honnête Quaker, que nous trouvâmes là, nous conseilla de nous rendre en un lieu situé à environ 60 milles à l'est, c'est-à-dire plus près de l'embouchure de la baie, où il dit qu'il vivait lui-même et où nous trouverions ce qu'il nous fallait, soit pour planter, soit pour attendre qu'on nous indiquât quelque autre lieu de plantation plus convenable. Et il nous invita avec tant de grâce que nous acceptâmes, et le Quaker lui-même vint avec nous. Là nous achetâmes 2 serviteurs, c'est à savoir une servante anglaise qui venait de débarquer d'un vaisseau de Liverpool, et un nègre, chose d'absolue nécessité pour toutes gens qui prétendent s'établir en ce pays. L'honnête Quaker nous aida infiniment, et quand nous arrivâmes à l'endroit qu'il nous avait proposé, nous trouva un magasin commode pour nos marchandises et du logement pour nous et nos domestiques. Et environ 2 mois après, sur son avis, nous demandâmes un grand terrain au gouvernement du pays pour faire notre plantation. De sorte que nous laissâmes de côté toute la pensée d'aller en Caroline, ayant fort été bien reçus ici. Et au bout d'un an, nous avions défriché près de 50 acres de terre, partie en clôture, et nous y avions déjà planté du tabac, quoiqu'en petite quantité. En outre, nous avions un potager et assez de blé pour fournir à nos domestiques des racines, des légumes et du pain. Et maintenant, je persuadai à mon mari de me permettre de traverser de nouveau la baie pour m'enquérir de mes amis. Il y consentit d'autant plus volontiers qu'il avait assez d'affaires sur les bras pour l'occuper, outre son fusil pour le divertir, ce qu'on appelle chasser par ici, en quoi il prenait beaucoup d'agrément. Et en vérité, nous nous regardions souvent tous deux avec infiniment de plaisir, songeant combien notre vie était meilleure, non seulement que celle de Newgate, mais que les circonstances les plus prospères de l'affreux métier que nous avions pratiqué. Notre affaire était maintenant en très bonne posture. Nous achetâmes au propriétaire de la colonie, pour 35 livres payées comptant, autant de terre qu'il nous en fallait pour nous établir une plantation qui nous suffirait tant que nous vivrions. Et pour ce qui est des enfants, j'avais passé ce temps-là.